Enfant du dimanche, par Clarisse Sandre. Enfant du dimanche, enfant de la chance. Enfant de la chance. Enfant du silence, des carences, de l'absence. Sous la potence, le cœur frondeur, avide de douceur, de couleur, de bonheur, balance et danse. À la source de l'absolu, s'épanche et s'étanche. La raison flanche, de salut, nulle planche. Râle gutturale d'une silhouette spectrale, image ancestrale drapée d'un châle, sentimentale ou femme fatale, animale, joviale, amicale, spéciale et banale, un peu bancale. Face vide abyssale de ma vie carcérale, besoin viscéral, radical, appétit cannibale ou frugal. De l'âme trompée, arme létale, les larmes fatales tombent en pluie de métal. De pétales fanés, d'acier trempé, sur les tombes éphémères du cimetière de mes rêves salutaires. Loin de l'astre, rougi du sang des cent désastres, loin d'ici, loin des païennes déesses, loin des anciennes détresses, là où plus rien ne blesse, au paradis, les anges louent en meute, le Créateur à meute. Cœur de louange, les anges louent. En d'étranges messes, chants d'allégresse, et lié sans refrain, résonne ton divine promesse, de lendemain, enfin sain et serein. Clarisse Sandre, 17 janvier 2024.